Ensuite, il vous donne quoi? Les différents douloureux qu'il y aura dans le sujet qui est safar. Il y a Awalen Ijara Afis Safar, c'est les formalités de voyage, c'est ce qu'on va prendre en premier. Fimekteb El Hajz ou El Hizd. Ça, c'est dans l'agence de réservation. Fisolet El Safar, c'est dans la. Comment on appelle ça la salle de réception des voyageurs. Ou plutôt la salle d'embarquement, plutôt. Non. Salle d'embarquement. Ensuite, Fisolet El Stikbel, ça c'est la réception, là où l'accueil, là où les voyageurs ils arrivent. Et le dernier c'est Ma'asa'ir Sayyarat El Ujra, avec le conducteur du taxi. Ah ouais. De toute façon, tout ça va venir, ça c'est juste un mokad d'ima. Ah. Chaque verse va venir, donc le titre va se répéter, Inch'Allah. Donc nous, le premier c'est, on a dit, Ijra'at al-Safar. Vous voyez, Ijra'at al-Safar. Enfin, Ijra'at, là c'est un. C'est un djem, mu'anath salim. Et le singulier, le mufrad, c'est Ijra'a. Qui veut dire formalité. Yep, formalité. Fawalan tibi el kalimat el jadida. Nouveau vocabulaire. Fait jidwal ou na, dans le tableau, on a yurlit el kalimat el jadida. Awalan yakul taskira. Taskira, ça c'est un billet. Ticket billet. Et nous, on va prendre le jam en même temps. Tafkira. Tafkira. Et ça, c'est le moufrad. Le jam, c'est. Tadakir. Vous voyez ? Tadakir. تذاكر ألف هنا تذاكر ensuite le mot d'après جواز السفر ça c'est le passeport à la base جواز quel est le mot جواز c'est un mot qui veut dire permission vous voyez c'est un mot qui veut dire permission جواز permission. Donc en fait c'est une permission de voyager, ce qui est traduit chez nous par le passeport. Ouzbour, après Ouzbour, Hada, c'est la semaine. Vous voyez, c'est la semaine. Et le jeu c'est Asabia. Ouzbour, Hada. Je veux dire, c'est Asabia. Toira, l'avion. Et Toira, c'est l'avion. Et Jem, c'est Toira. On rajoute un livre et un thème. Jem, voilà, c'est un livre. Hajaza Yahjizu, ça c'est réservé. Hajaza Yahjizu, Adafia, Bimana, réservé, ça veut dire réservé. Safaroun, on a dit quoi, Safaroun? C'est le voyage. Safar, c'est le voyage. Aina. Bab Yahjizu, Tart. Yahjizu, Bab. Ah. Oui. Yahjizu, c'est je réserve. Il réserve. Ah. Safar, c'est voyage. Tassalama. Yetassalamu

Anti. Anti, safar. Safar. Tabil al-mad. Anti, safarti, bitayrat. Antuma. سافرتما بالطائرة. نعم. أنتم. أنتم سافرتم بالطائرة. أنتن. أنتن سافرتن بالطائرة. هو. هو سافر بالطائرة. هي. سافرت بالطائرة. هما. Attention là, on veut, je vais nous accar. هما سافر. Attention, mettre Safar. Après, tu mets Damir, comment tu dis Safarama. Là. On a dit comment Tassalama. Huma. Tassalama. Donc là, Huma. Huma, Safarama. Safarama. Là. C'est quoi l'alcool, rajoute. Quand on a dit Huma, Tassalama. C'est quoi le verbe Tassalam. Donc on a ajouté quoi comme lettre à la fin? Tassalama. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Non, le mim il fait partie du verbe. Le verbe c'est tassalama. On a rajouté quoi comme verbe, comme lettre à la fin? Un alif. Fakat. Juste un alif. Donc là, tout pareil, tu rajoutes un alif. Donc tu dis. Huma safara. Aïwa. Huma. Bitayra. Safara bitayra. Non. Maintenant je veux Huma bin muannath. Qu'est-ce que tu as dit? Huma safarata bitayra. Arsante. هم هم سف سافروا سافروا نعم بالطائرة نعم أحسنت هن هن سافرنا بالطائرة طيب دونك لو باء يقول طيب يقول أنا عرفت البقالة عرف يعرف qui veut dire « connaître ». Vous voyez, « Ariftu », c'est « j'ai connu ». Ou « Al-Baqala », vous voyez, c'est l'épicier. « Al-Baqala ». Hein ?« Biqala », ils ont mis ?« Al-Baqala », c'est le rajoul, ou « Biqala », c'est le lieu. L'épicerie, on va dire. « Al-Baqala », avec la fatha, vous voyez, c'est l'épicier. Ah, et Bicola ? C'est l'épicerie. L'épicerie. C'est un petit dokken où ils vendent, tu vois, des ingrédients, de la nourriture, souvent. Taïeb. Donc là, LN, ou l'iradin, inshallah, pour demain, tafhalani nefsashay. Vous faites la même chose qu'on a fait avec les deux autres verbes. Mais là, il veut juste nahnu, anta ou anti. Vous voyez ? Eh bien moi je vous rajoute, je veux tous les dommages. Vous voyez ? Comme ça c'est acquis, Inch'Allah. Et neuf sochei. Jim, bien cool. Ana, ajastu, et tafkira. Vous voyez ? Il dit, moi j'ai réservé le billet. Fatafalani neuf sochei, ma dama'ir. Tattasilani dama'ir, il fiel. Tu sarrifan, il fiel. Vous conjuguez le verbe avec tous les dommages. Plus que nahnu et plus que anta. ثالثا يقول اسند الافعال الاتيه للضمائر السابقه donc il dit attache les domaires les afan il y a des liens entre les verbes présents qui arrivent là suivant et les domaires des exercices précédents c'est à dire nahnu et anta seulement ils veulent donc vous faites ça avec el fir sakana qui veut dire habiter. Arafa, qui veut dire connaître. Hajaza, qui veut dire réserver. Tanawala, ça a plusieurs sens. C'est. Ça peut être cueillir. Par exemple, je dis Tanawaltu al-fawaki, j'ai cueilli les fruits. Ou Tanawaltu al-dawa, ça j'ai pris des médicaments. C'est un sens de prendre, c'est un peu comme prendre un peu. Ou tanawalt ou le rada, j'ai pris le déjeuner. Ça dépend de la phrase dans laquelle il se trouve. Ça dépend de la phrase dans laquelle il se trouve.